Lettre 13e, Sulpici à Tiridate, Rome, mars 301. Quelle solitude affreuse, cher Tiridate! Tu m'as quitté, je crois être seul dans l'immensité du monde. Ah, je suis bien seul, en effet, dans cette demeure où je ne te verrai plus, n'ayant pas une pensée consolante, pas un espoir auquel je puisse m'attacher. Les souvenirs mêmes de mon bonheur passé sont autant de pointes acérées qui viennent déchirer mon cœur. Qui sait même si le bien de t'écrire, le seul qui me reste, ne me sera pas bientôt enlevé? Je suis sans cesse entouré, observé par des yeux d'Argus avec toute la cruauté de la vanité blessée. Nos relations ont été dévoilées à Serranus, à mon père, par l'esclave Novius, et de la manière la plus fausse, la plus abominable. Cet homme vil s'est ainsi vengé de ce que j'avais découvert, ses déprédations. Je supporte tout ce que la dureté la plus accablante, la jalousie la plus animée peuvent inventer pour me faire souffrir. On a voulu me séparer de Calpurnie, sa fidèle amitié, son adresse, ont su prévenir ce malheur. Elle a demandé un entretien à Serranus. Son esprit, ses grâces si séduisantes l'ont gagné. Son nom, l'influence de son père inspire au mien un profond respect, et l'on n'ose plus s'opposer à ce qu'elle me voit. Je ne m'abuse pas cependant sur les soupçons, la défiance dont on nous entoure. Rarement on nous laisse seuls. À peine est-elle entrée dans mon appartement que, sous quelque prétexte, elle est bientôt suivie par un des membres de la famille. Souvent aussi on nous laisse en apparence en liberté, et quelques bruits dans l'appartement contigu me prouvent qu'on est aux écoutes. Oh, mon ami, combien cette conduite est indigne et méprisable! Combien même elle est impolitique. Je n'ai jamais aimé, ni même estimé Serranus, mais il justifie trop bien mon indifférence et mon mépris. Je sais qu'il peut dire de même que notre attachement justifie sa défiance et ses précautions. Tiridate, toujours je t'aurais aimé. Quel qu'eût été mon sort, je fus entraîné dès le premier instant par un charme inconnu, indéfinissable, et dont j'aurais voulu en vain me défendre. Le cœur de Sulpici était formé pour le tien, mais, j'en jure, par cet amour même, toujours tu l'aurais ignoré si Serranus avait mérité, je ne dis pas ma tendresse, mais seulement mon estime. On cherche à s'emparer de mes lettres, celles même de Calpurnie ne peuvent me parvenir que par mille détours. Si je la vois seule une minute, je lui donnerai celle-ci pour te la faire parvenir. Oh Dieu ! Est-ce donc Sulpici, l'ami de Tiridate, qu'on force à s'abaisser à de tels moyens? Je suis excessivement malheureuse. Ma vie ressemble à une nuit obscure. Mon plus ardent désir serait, je te l'avoue, de m'endormir pour l'éternité, si je ne dois plus te voir ici-bas. Tiridate, dis-moi, pourquoi ai-je été appelé à te connaître? Pourquoi étais-tu destiné à troubler à jamais le calme, l'indifférence de mon cœur, à égarer cette raison dont j'étais si fier? Pourquoi viens-tu réaliser cette perfection idéale qui m'apparaissait parfois comme un songe, toi qui par ta naissance, ta patrie, devais m'être à jamais étranger? Quel plaisir peut trouver le sort d'avoir fait naître en Arménie et à Rome deux cœurs formés l'un pour l'autre, de les réunir un instant pour les séparer ensuite avec cruauté? Mais non, je ne veux pas me plaindre, je t'ai trouvé, je t'ai aimé. Aucune puissance sur la terre ne peut m'ôter ce bonheur. Et lors même que ce bonheur sans égal devrait être suivi d'un malheur éternel, je ne pourrais ni le regretter, ni m'en plaindre. Tout espoir serait-il donc perdu? Ne nous reverrons-nous qu'après notre triste et pénible existence terrestre? Tiridate, aie pitié de ma faiblesse. Par moments mon cœur, abîmé de ses peines, repousse l'espérance et la possibilité du bonheur. Il trouve même une espèce de satisfaction à ces maux. Alors je crois avoir épuisé la coupe du malheur. Ma vie, et ce qui doit arriver encore, sont aussi loin de moi que le jour qui vient de s'écouler. L'avenir est anéanti, je ne crains rien, je n'espère rien, pas même la mort. Je ne sens que le malheur d'être séparé de toi. Mais pendant que je souffre, quelle est ta destinée? Peut-être le vaisseau qui t'emporte loin de moi est-il battu par les éléments? Peut-être la foudre le frappe-t-elle? Je le vois s'enflammer, disparaître, et Tiridate est à jamais perdu pour moi. Dans d'autres moments, je te vois au milieu des combats, Un dard ennemi perce ce cœur qui m'appartient, ce cœur dont l'existence est le seul but de la mienne. Que dois-je donc faire sur cette terre? Ah, laisse-moi te suivre. Laisse-moi descendre avec toi dans le séjour des morts et ne plus te quitter. Ne plus te quitter. Sors digne d'envie. Être sans cesse avec toi, près de toi, et lorsque le trépas nous séparera un instant, nous retrouver bientôt dans cet Élysée où les amants fidèles et malheureux seront réunis pour jamais. Écris-moi bientôt, Tiridate. Arrache-moi ces craintes qui touchent au désespoir. Dis-moi seulement que tu vis, que je puis espérer de te revoir encore, et je pourrai tout supporter. C'est tout ce que tu peux faire pour conserver les jours de ta Sulpicie. Agathoclès nous a aussi quittés. Il s'est hâté de partir pour s'embarquer avec toi. Je m'aperçois douloureusement de son absence. Je m'afflige de ne plus jouir de son active et véritable amitié, mais c'est à toi, Tiridate, qu'il la consacre à présent, et il m'en devient plus cher. Nous ne pensions pas toujours de même. L'austère sévérité de ses principes, qui n'accorde rien au pouvoir de la passion, m'a souvent effrayé. Mais il n'en est pas moins sensible, et tout en nous blâmant peut-être, il lui suffisait de me savoir aimer de son ami pour me l'attacher. Il est doué de qualités sublimes. Cependant, je crains qu'il ne soit jamais heureux. Ses principes ne sont pas assez en harmonie avec ceux du temps présent. Il rencontrera peu ou point de cœur à l'unisson du sien. Je suis persuadé que Calpurnie a fait une forte impression sur lui. Cependant, il ne s'est pas permis d'y céder. Il s'éloigne d'elle avec un courage stoïque. Les dieux savent seuls pourquoi il combat avec autant de force ce sentiment. Il était facile de voir, malgré ses efforts, avec quelle peine il lui résistait. Il est singulier d'observer comment Calpurnie et lui atteignent le même but avec des moyens si différents. Chez lui, c'est la force d'esprit, la fermeté de principe. Chez elle, la légèreté de caractère et une gaieté inépuisable qui les préserve d'une passion violente à laquelle le cœur sensible de Calpurnie la porterait volontiers. Heureuse Calpurnie, elle ne connaîtra jamais les tourments que j'éprouve. Cependant, elle aime Agathoclès plus fortement que je ne la croyais capable d'aimer, mais sa fierté la soutient contre un sentiment trop tendre. Elle n'a pas eu l'air de remarquer ses efforts pour s'éloigner d'elle, mais lorsqu'il a été parti, elle a versé dans mon sein des larmes amères. Jamais je ne l'avais vue dans cet état. 3 jours après, elle est venue chez moi. Ses pleurs coulaient encore chaque fois que le nom d'Agathoclès était prononcé. Mais elle espère que le temps et la distraction effaceront cette impression trop forte. Oh, qu'il est faible, le sentiment qui voit déjà la guérison en perspective après 3 jours de douleur. Heureuse, disais-je. Ah, comme je mens à mon propre cœur. Dois-je, puis-je lui envier ce froid bonheur? Non, Tiridate, j'en suis incapable. Non, je t'aime trop vivement, trop passionnément, pour regretter les maux que cet amour me cause, pour envier de bonne foi l'indifférence de ma légère amie. Dussé-je mourir de ma douleur, je ne veux pas t'oublier. Tu sais que tes lettres sont mon unique consolation, la seule lumière qui puisse éclairer la nuit profonde qui m'entoure. Écris-moi souvent. Parle-moi de toi seul. Que je connaisse tes pensées, tes désirs, tes projets, tes actions, toute ton existence enfin devenue la mienne. Songe à tout ce que tes lettres doivent remplacer, de combien de peines elles doivent me dédommager, et ne laisse pas dans le désespoir ta pauvre Sulpicie.